Audiomatique. Audiomatique, transmission 231, introduite par le collectif norvégien Yaga Yassist et leur composition Toxic Dart, parue sur l'album de Styx, lancé en 2002. Les sons poursuivent leur progression dès maintenant à Audiomatique. Thank you. Venons d'écouter la pièce Desert Rose de la formation new-yorkaise Xeno et Oaklander, qui sera d'ailleurs en concert au Pantoum à Québec le samedi 6 avril prochain en compagnie du groupe Sarajevo et moi. Ceux qui préféreraient voir Xeno and Oaklander à Montréal pourront plutôt se rendre à la Sala Rossa le vendredi 5 avril où le groupe partagera le stage avec Otto Melody et Xara Dion. Avant Xeno and Oaklander, nous écoutions la pièce Blue Dress du projet colombien Magdalena. Cette composition apparaît sur l'album The End of Coherence. La troisième séquence de cette transmission 2-3-1 d'Audiomatique débute avec l'artiste américain John Mouse. Thank you. Carried him away. Pour terminer ce segment musical à Audiomatique, nous avions droit au duo Dean and Camion, qui est basé en Autriche, mais dont les membres sont respectivement d'origine bosniaque et allemande. Ils nous présentaient la pièce Drop Here, remixée par Dado, et sur laquelle on peut entendre la chanteuse Edita Malovjits. Cette version est disponible, entre autres, sur le maxi-single de la chanson Drop Here, qui est originalement tirée de l'album Gran Reserva. Précédemment, à Dean and Camion, nous avons entendu le groupe anglais The Fonz et leur chanson Cool Stuff de leur premier album homonyme paru en 2009. Et pour amorcer le tout, l'artiste américain John Mouse nous offrait un extrait de son plus récent album Addendum, soit la chanson Privacy. Toujours à Audiomatique, allons-y maintenant avec une pièce de Ed Static. chocs bizarres, mon boy. Cette séquence musicale qui nous replongeait dans le son électro des années 90 se terminait avec Intermix, un projet parallèle des membres de Frontline Assembly. Du deuxième album intitulé Phase 2, nous entendions la pièce Funky Hell. Et avant Intermix, c'était Eat Static et leur composition Dionysiac tirée de l'album EP Epsilon. Pour la fin de cette transmission 2-3-1 d'Audiomatic, nous écouterons la chanson Master Plan du groupe américain My Morning Jacket, qui se retrouve sur leur troisième album intitulé It Still Moves. D'ici la transmission 2-3-2, n'hésitez pas à visiter nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-CFOU, ce qui vous permettra d'accéder aux archives de nos transmissions. Les sonoristes seront de retour en direct du studio de CFOU 89.1 FM, comme à l'habitude, mercredi prochain, dès 17h. Voici donc My Morning Jacket et leur chanson Master Plan. C'était Audiomatic avec les sonoristes.